Bonsoir chers auditeurs de Vibration, vous écoutez Milky Waves, l'émission de musique électronique que vous attendiez depuis une semaine déjà. C'est parti pour l'épisode 17 avec le Raph au micro et cette semaine Groove Jesus au platine. Et le premier morceau de la sélection de Groove Jesus, il s'agit de Echo qu'on a entendu il y a un mois avec un track exclusif, c'était Switch. Et maintenant c'est Let's Go Crazy, un Echo Love Tool Edit Mix. J'ai entendu que Echo offrait gratuitement son download de ce remix, mais je ne sais pas où. On écoute ça. This is Milky Waves, hosted by Raf, with on the decks, Groove Jesus. Thank you. C'était l'artiste belge Echo avec son École of Tool Edit Mix. Let's go crazy! Et maintenant, on passe à l'artiste numéro 1 sur Beatport. Il s'agit de Patrick Topping. C'est le tube à Ibiza pour le moment. On l'entend partout. Il est sorti sur le label Hot Creations, un label créé par les célèbres DJ Jamie Jones et Lee Foss. Il s'agit de Forget, un Hot Creations. Thank you. À l'écoute, c'était Patrick Topping avec Forget. À suivre, l'artiste Ryu. Originaire du sud de l'Allemagne, il a commencé avec la team du label Kind Music. Et c'est en 2009 qu'il avait fait équipe avec le célèbre Rampa. Ensemble, ils ont sorti le titre Work qui l'avait rendu célèbre. Là, on va l'écouter avec le titre Nyan, un original mix. C'est parti! This is Milky Waves on Vibration.fm, 107.2 in Brussels. Get it. C'est Ryu avec Nayan. On va avoir le plaisir de les retrouver dans quelques titres. Vous êtes toujours sur Milky Ways avec la sélection de Groove Jesus et le Raph au micro. Et maintenant, on passe à l'artiste originaire de Bosnie-Herzégovine établi à Londres. Il s'agit de Sinisa Tamamovic avec son titre Latinas. Thank you. This is Milky Waves on Vibration.fm 107.2 in Brussels. À l'écoute, Sinisa Tamamovic avec Latinas. Et pour clôturer cette première partie d'émission sur Milky Waves, nous allons écouter Karim Kali. C'est un Américain de Brooklyn. Et le titre, c'est Killer Beats, un original mix. Milky Waves, hosted by Raf, with on the decks, Groove Jesus. c'était Karim Kali avec Killa Beats. Nous sommes à la moitié de notre émission Milky Ways avec Groove Jesus au platine et le Raph au micro. Vous nous écoutez sur Vibration, vibration.fm ou 107.2 Bruxelles ou 91.0 Mons. À suivre le duo qui a son propre show sur la radio numéro 1 en Roumanie. Il s'agit de Groove Elements avec le titre de Long Journey, un original mix. On écoute ça. c'était The Long Journey des artistes Groove Elements, une sélection de Groove Jesus, c'est très groovy tout ça. Le prochain artiste que nous avons le plaisir d'écouter, c'est Fabio Gianelli. Il est né en 86, il a produit sur le label Kindish avant de passer sur le très très célèbre label Get Physical. On l'écoute ici avec le titre Confused Spectrum. C'est parti. This is Milky Waves on Vibration.fm 107.2 in Brussels. C'était Fabio Gianelli avec Confused Spectrum. Vous écoutez toujours Milky Waves sur Vibration. N'hésitez pas à visiter notre page Facebook Milky Waves pour avoir des informations ou pour simplement nous laisser un petit mot, pourquoi pas. Le prochain artiste, on a eu l'occasion de l'écouter en début d'émission de cette belle sélection de notre Groove Jesus National. Il s'agit de Re-You, ou Re-You si vous voulez, avec le titre Star E, avec un E, comme vedette E. Voilà, allez, on écoute ça, c'est la phase B de Nyan. This is Milky Waves, hosted by Raf, with on the decks, Groove Jesus. c'était Ryu qui nous revenait avec Star. Et maintenant, on passe à Beyond Space, dont Groove Jesus fait partie, avec un track qui est encore en production, il n'est pas encore sorti, c'est le dernier titre sur lequel Beyond Space travaille. Il est plus orienté tech house, genre très populaire pour le moment. Alors, il s'agit de The Fox. Et j'en profite pour signaler que le dernier remix, Ron White's Ophélie, est sur les portails musicaux, dispo à la vente pour Beyond Space. Longue vie à eux. On écoute. C'était Beyond Space avec The Fox. Mais je vois que l'heure tourne, il est bientôt l'heure de nous quitter, les amis. Alors, on va écouter l'allemand Steven Koch avec Cycles. Profitez-en, l'émission est bientôt finie. Sniff, sniff. c'était Stephen Cook avec Cycles. Notre émission Milky Waves hebdomadaire se termine malheureusement. Je vais encore pouvoir vous passer un dernier morceau, mais je ne pense que vous ne l'aurez pas entièrement. Il s'agit de Nicole Moudaber avec I Know Where I've Been. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de soirée, une bonne semaine. Courage pour les étudiants. Et à la semaine prochaine. Bye bye.